Piste 39. Exercice 6. 1. Tu vas au travail à pied ? Non, je vais au travail en métro. 2. Marseille, c'est au bord de la mer ? Oui, c'est au bord de la mer. 3. Il y a de beaux immeubles dans ton quartier ? Oui, j'habite dans le vieux Bordeaux. 4. On peut faire du vélo près du fleuve ? Oui, au bord du fleuve. 5. Il y a un métro à Montpellier ? Non, mais il y a un tramway.